Eh les frères, vous savez pas quoi? Vas-y, attends, je vais t'expliquer un truc de ouf. Emblématique, on augmente le baromètre. C'est plus 16 titres, mais 40 par semaine. Et n'a deux S sur le terrain, on vous promène. Les M6 démènent le record au réel. Emblématique, on augmente le baromètre. C'est plus 16 titres, mais 40 par semaine. Et n'a deux S sur le terrain, on vous promène. Les M6 démènent le record au réel. Emblématique, on augmente le baromètre. C'est plus 16 titres, mais 40 par semaine. Et n'a deux S sur le terrain, vous vous promène, les M6 démènent le record au réel. Et là, je fais mes bails en solo. Trop d'M6 sentent la fouf, complète au phéromone. Je fais équipe avec un mic, c'est fidèle et commode. Je représente rien d'autre que moi-même, je reste égal à moi-même. Et comment? Y'a pas de clic à si tu kiffes ou de si t'aimes pas. Ce que tu penses de moi, clique pas, ça m'intéresse pas. Si tu veux que je passe à pop star, n'y pense même pas. J'ai pas la tête du mec qui kiffe, travestira. Si sans plein des deux monnaie investie. Y'a du talent, talent, j't'assure que ça manque pas d'écrit. Y'a trop de scarlat dans une vie, trop de jalousie, trop de faux rappeurs qui se prennent pour chaque Messrine. À la domination, c'est et n'a deux esti. Au baromètre, la jalousie, les envies d'MC. Ferme ta bouche, travaille, écris, étudie. J'prends ma place, j'aime, je rappe, je vis. Yes, à ma vie. Emblématique, on augmente le baromètre. C'est plus 16 titres, mais 40 par semaine. Et n'a deux S sur le terrain, vous vous promène. Les MC démènent le record au réel. Emblématique, on augmente le baromètre. C'est plus 16 titres, mais 40 par semaine. Et n'a deux S sur le terrain, vous vous promène. Les MC démènent le record au réel. Emblématique, record, rien que des killers de beat. À chaque morceau fait tellement de puissance qu'il faut changer le micro. Accentue le niveau. T'es dans le cœur du risque, survie pour pas finir dans le caniveau. Je refroidis mes rivaux comme mon bac d'un coup fatal. Tu reconnais pas le talent, frère, ça me ferait bien mal. Au marais, le chirurgique à l'armée. Et n'a deux zestes, qu'on t'atteinte l'envergure et le dégât. T'as rat de marée, que ça plaise ou pas, c'est du pareil au même. Tu m'imites, l'égalité sera le plus parfait des plus incorrects. Je jette la déferlante sur l'industrie du disque. Emblématique, tic, tic, tic. Boum, à chaque titre, ça te clic, clic, boum. Le cerveau, j'élimine à l'ego. Je veux pas me faire pamer là, ok, capitio amigo. C'est le petit gringo, version papa, vélas pour tous mes marmots. Emblématique, on augmente le baromètre. Augmente, c'est plus 16 titres, mais 40 par semaine. Et n'a deux S sur le terrain, vous vous promène. Les M6 démènent le record au réel. Emblématique, on augmente le baromètre. C'est plus 16 titres, mais 40 par semaine. Et n'a deux S sur le terrain, vous vous promène. Les M6 démènent le record au réel. Qui t'a dit qu'on n'était pas productif, hein? 40 sons par semaine. Un album tous les deux jours. Ça fait mal, hein? On augmente le baromètre. Chez nous poteau, ça met le beat enceinte, hein? Car chez nous on se produit comme 5. Et n'a des esti. On augmente le baromètre. Emblématique record. Boys 2828J, région centre et tout ce qui va avec, hein. C'est la famille. Emblématique, on augmente le baromètre. Le baromètre. C'est plus 16 titres, mais 40 par semaine. Et n'a deux S sur le terrain. Emblématique, on record. Les M6 démènent le record au réel. Risque, volume 1. Le record au réel. Le record au réel. Le record au réel.